Bonsoir à tous et à toutes. C'est Thierry Gallet à l'antenne de RIG 90.7 sur www.rigfm.fr pour Bordeaux et pour le reste du monde. J'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 262, l'une des dernières de la saison 2014-2015. Et surtout, Paul McCartney a fait deux dates, une à Marseille, une à Paris. Et ce que vous ne saviez pas, on l'a appris il y a vraiment très très peu de temps, c'est que Paul McCartney a décidé de revenir pour une seule date ici, au nouveau stade de Bordeaux, en exclusivité pour RIG. C'est nous qui avons obtenu les droits pour faire un concert qui s'appelle They Say It's Your Birthday Reunion Tour avec John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Ça, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas. On pensait qu'ils ne referaient jamais un concert ensemble. Eh bien, si, ce sera fait. Et c'est ce soir, quelle grande, grande joie d'accueillir Paul McCartney et ses amis dans ce concert extraordinaire. Alors là, cette liste, eh bien, on vient de me la tendre, donc je vais la découvrir pratiquement en même temps que vous. Et à mon avis, ça devrait très, très bien se passer. Il a fait deux concerts exceptionnels, il y avait du monde partout, Paul McCartney, bien sûr, à Marseille, à Paris. Et sur certaines pancartes, j'ai vu des petites pancartes sur Facebook, il y avait « So glad to see you here ». Alors c'était certainement pour accueillir Paul McCartney, mais et si c'était pour essayer de lui dire « Chante-nous en ouverture, so glad to see you here ». On va écouter ça dans quelques instants, on va voir si Paul McCartney a entendu nos voeux, parce qu'on aimerait beaucoup qu'il chante ça en début de concert. Après, pour le reste, c'est bien. On verra bien, prenez place, le stade est plein. Retrouvez-nous sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Retrouvez-nous aussi sur macaclub.com, dans le groupe aussi La Saga des Fab Four. Et puis là, je pense qu'il fait encore jour, mais que le concert va sûrement commencer, parce que moi je suis dans la loge VIP et je vois dehors que tout le monde a l'air de s'agiter et les projecteurs viennent de se mettre en poursuite sur le devant de la scène. Je pense que maintenant, c'est le concert de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. C'est parti. Bonne soirée à vous sur RIG. Et ça commence par So Glad to See You Here. Génial, bonne soirée. Quelle bonne idée d'avoir choisi cette chanson en ouverture. Vraiment, c'est très très bien. John Lennon s'avance dès le début du concert, avant même de nous dire bonjour. Et on entend les premières notes de Come Together sur RG. Sur RIG, qui a plus de 74 ans, a vraiment, vraiment la forme. Je pense que là, ils vont profiter de moments pour dire bonjour et pour se présenter comme s'ils avaient besoin de se présenter. Et moi, justement, je vais profiter de ce petit intermède pour pouvoir, je les entends parler derrière moi, pour pouvoir vous présenter cette émission qui est un live donc de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ici à Bordeaux, au Stade de France. C'est génial. Ils ont décidé de faire ça la veille de l'anniversaire de Paul McCartney. Ça s'appelle le They Say It's Your Birthday Reunion Tour, et c'est quand même assez génial. Je vais le dire plusieurs fois, je pense, ce soir. Et puisqu'on parle de personnes absolument fabuleuses, je vais vous parler de Lovely Rita. Lovely Rita, elle est en Angleterre, elle est à Londres, et elle dirige le Beatles Magazine. Vous vous voulez tout savoir sur les Beatles, sur John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, sur les tournées actuelles de Paul McCartney et de Ringo Starr, sur les gens qui font des émissions sur les Beatles, comme Brooke Alpin, par exemple, qui fait Come Together, justement, parce qu'on vient d'écouter la chanson. Il le fait à Malibu le dimanche, le samedi et le dimanche, comme mon pote qui fait Beatles Tonight, Michael Honorato, le lundi soir ou le mardi matin en France, si vous voulez écouter en France, c'est Beatles Tonight. Il y en a plein d'autres. Il y a Kyle également qui fait une émission qui s'appelle Beatles Mania One à Toronto. Bref, si vous voulez tout savoir sur ce qui est autour des Beatles et ceux qui font des émissions, vous allez sur beatlesmagazine.uk.com et vous saurez tout. Voilà. Merci Lovely Rita. Et je pense que le concert va recommencer. Ils ont dit bonjour à tout le monde. Ils ont fait une petite révérence comme ils faisaient du temps des Beatles. On y retourne. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Et là, c'est George Harrison qui s'y colle. Après la rythmique, c'est Got My Mind Set on You sur RG. To do it, to do it, to do it, to do it right. en direct à Bordeaux au Stade de France. Le concert a débuté avec Paul McCartney, So Glad to See You Here. Je parle du Leaders pour la chanson. Il y a eu ensuite John Lennon, Come Together. Il y a eu George Harrison. Il ne manquerait plus que Ringo Starr. Et pourquoi pas Ringo Starr? Oh, mais ça c'est une belle idée d'avoir inclus le dernier album de Ringo Starr. Voici Rory Storm and the Hurricane sur RIG. Pour vous dire un petit peu ce que je vois, j'ai aperçu dans la foule un petit peu avant le début du concert, il y avait Laurent Voulzy, forcément, dès que McCartney est quelque part, Laurent Voulzy suit. J'ai vu aussi, comment s'appelle-t-il, Bruce Toussaint, il aime bien venir au concert de Paul McCartney, je pense qu'il y en a d'autres, hein, forcément, il y a toujours de grandes vedettes ou des personnes connues. Antoine Decaune, je l'ai vu sur le côté, là, il est là pour le concert de McCartney, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais c'est bien, tant mieux. Et là, les quatre autres sont en train de plaisanter entre eux, puisque j'ai entendu John dire à Ringo, oui, ben, Roy and the Hurricanes, t'aurais dû rester avec lui peut-être, quelque chose comme ça. En tout cas, tout le monde rigole, c'est plutôt bien. Et la suite de la saga, ben, je crois que c'est le moment où ben, le principe, la raison de ce concert. C'est la saga. Oui, oui, c'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les Paroles. Oui, c'est ce que je lis sur cette liste et je m'en doutais. Avec un jour d'avance, bon anniversaire Paul McCartney. Ravi tout le monde. Et voici George Harrison qui reprend la main avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur RG. Understand you, won't you? profiter du petit break pour vous présenter quelqu'un que vous connaissez, ceux qui sont sur Facebook en tout cas. Il s'agit de Jean-Philippe Fabfort. Il a réussi à me rejoindre jusqu'à la loge VIP ici au stade de Bordelais. J'ai envie de dire stade de France, c'est marrant. Et bon, il est un peu timide, j'avais qu'un seul micro, je voulais essayer de le faire parler, mais il n'ose pas. Bon, bah écoute, prends place, regarde là, c'est en face le concert, on est vraiment très très bien. Et George Harrison est toujours avec les poursuites, donc je pense que c'est lui qui continue. Ah oui, c'est lui qui continue avec Something, vient de me souffler Jean-Philippe Fabfort, qui envoie le bonjour à tous les copains de Facebook, puisque il est content de pouvoir revenir et surtout de voir son idole George Harrison en concert ici à Bordeaux. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Profitez, c'est un concert exceptionnel. John, Paul, Ringo, George, ici à Bordeaux au Stade de France. C'est sur RG dans la saga des Fab Four. Attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. She knows

this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say live and let die. Évidemment, c'est l'un des moments que j'aime le moins parce que McCartney, depuis plusieurs années, fait toujours des feux d'artifice et je déteste les feux d'artifice. Mais enfin, je suis le seul à ne pas aimer ça puisque les autres apparemment adorent. J'espère que vous appréciez le concert des 4 de Liverpool uniquement à Bordeaux. C'est merveilleux. Et là, c'est Ringo qui reprend le lead apparemment. Oh, Choose Love, longtemps que vous l'avez pas entendu en live. Vous êtes sur RIG, continuez c'est comme ça jusqu'à 22h. Choose love. Joli Ringo qui prouve qu'il reste l'un des meilleurs aussi, qu'il a sa place parmi les grands. C'est l'un des meilleurs batteurs du monde, le meilleur pour le rock'n'roll. Vous êtes bien sur RIG, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je pense, avec le retour que j'ai moi de vraiment d'à côté de la scène, que McCartney a décidé de faire une petite partie de, vous savez, d'acoustique, voilà, de tranquille. Et notamment, il veut vous reparler d'une vieille chanson. I lost my little girl sur RIG. Well, I woke up late this morning. My

never used a mistake. I won't be hurt before it's too late. I love my baby too much to wait. All this time is getting me down. If I'm a country, you know what I'm saying. I won't go to life, do I won't. La radio des Beatles. Well, I always knew I was crazy for you, but now that I know you threw me so. If this is love, it's fabulous. Your lips close to mine, make the chills up my spine, and when we touch. So much. If this is love, well, it's fabulous. Retour dans le studio, le petit studio, je suis dans la loge VIP au stade de Bordeaux. J'ai toujours envie de dire le stade de France, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est le concert de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison qu'ils ont voulu faire, le troisième concert imprévu qui a été affiché qu'il y a deux ou trois jours ici sur Bordeaux. Et on n'a pratiquement rien dit dans les médias, c'est merveilleux. Et RIG a obtenu le droit de retransmettre ce concert, la saga des Fab Four. Vous rendez compte, ce bol, c'est fabuleux. Je trouve ça fantastique. Là, j'ai entendu, pendant que je vous parlais, McCartney, parce que j'ai toujours le retour de la scène, dire on va vous faire un petit peu de Beatles si vous voulez bien. Alors évidemment tout le monde est d'accord. Et Paul McCartney est venu se mettre au piano. Quelle chanson va-t-il nous chanter? On va le découvrir en redonnant le micro, en retournant le micro vers la scène. Let It Be sur RIG dans la saga des Fab Four. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.

you were in a car crash and you lost your hair. Said that you'd be late tonight, about an hour or two. I said, that's all right, I'm waiting here, waiting to hear from you. Réagit favorablement. Ringo Starr, si on entend une chanson des Beatles, ça passe même ici au stade de Bordeaux. Voici, ouais, bah, la chanson, ça doit être pour présenter George Harrison qui va chanter une chanson maintenant, il est prêt. Et la chanson, je crois que c'est ma chanson préférée si je devais en isoler une des Beatles. Oui, c'est celle-là, c'est While My Guitar Gently Weeps sur RG. Montez le son, c'est le concert de John, Paul, Ringo et George au stade de Bordeaux. Ici, en 2015, le concert s'appelle This Ain't Your Birthday Reunion Tour. Et c'est sur RG. Sweeping, still my Ça fait 31 ans que je présente la saga des Fab Four et je n'en suis toujours pas lassé. J'adore toujours entendre cette musique extraordinaire de nos amis John, Paul, Ringo et George. Nous sommes dans le concert de réunion des Fab Four, le concert de John, Paul, Ringo et George, ici à Bordeaux. Et c'est encore George Harrison qui est aux commandes avec ce morceau For You Blue sur RIG. Je suis cause you're sweet and lovely, girl, it's true. Love me more and the girl I do. I left you from the moment I saw you. You looked at me, that's all you had to do. George Harrison à l'instant sur RIG et là, je crois qu'il a repris les commandes. Ça n'est plus Beatles, mais qu'est-ce que c'est bien. Ça date de 1979. Old Siam Sir, Monsieur Paul McCartney et ses collègues sur RIG. Yeah. Paul McCartney, très très très en forme ce soir au stade de Bordeaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puisque j'entends Silly Love Songs, je compte sur vous pour chanter en chœur cette chanson-là. Encore 40 000 de show, a priori vous êtes sur RG dans la saga des femmes fortes. I'd like to know. Paul McCartney sourit, salue et se retire alors que George Harrison rentre dans la lumière pour une chanson certainement. C'est lui qui va être donc le leader de la prochaine. Et de quoi va-t-il s'agir? Eh bien on va le savoir dans une poignée de secondes. C'est Isn't It a Pity. Je reconnais les premières notes dès le début. Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, RIG. Isn't it a pity? Isn't it a shame? How we break each other's hearts. Cause each other pain. 90.7, la radio des Beatles. Cette fois-ci, c'est John qui va chanter Cold Turkey sur RG. Temperature's rising. Fever is high. Can't see no future. Can't see no sky. Can't see nobody. Leave me.

Minutes, je ne sais pas ce qui va se passer pour la fin du concert. Bon, apparemment, il arrête là, Paul McCartney. Tant que, parce que je m'attendais à la fin d'Abbey Road, et déjà, ça me rendait vraiment triste. Est-ce qu'ils vont... Oh, mais c'est Good Night Tonight, ils nous souhaitent une bonne nuit, parce qu'il est presque 22h, et donc le concert est bientôt terminé. Quelle fin de concert extraordinaire! Nos quatre amis se sont retirés derrière les rideaux, mais tout le monde les rappelle. Est-ce que nous allons avoir droit à un rappel ou est-ce qu'ils sont déjà partis? Il est quasiment 22h. Je ne sais pas, le timing, qu'est-ce qui se passe? Ah, John Lennon revient avec une guitare. Super. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing. the show. I want to thank you for being a great audience, great LA. I've had a lot of fun, thanks for coming. Remember the only way, peace and love is the only way. I love you all, thank you and good night. Que ce concert vous a plu, concert au stade de Bordeaux, au nouveau stade de Bordeaux. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la Sega des Fab Four, oui, la dernière de la saison 2014-2015, mais on reviendra au mois de septembre. Pour la dernière de cette émission, je vous demanderai de faire le programme. On en reparle le jour venu ou alors durant la semaine sur Facebook ou sur macaclub.com. A bientôt et merci à tous. Dans quelques instants, Eric. Ciao.